بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سوسي دي فخيرنا الله عز وجل، إسرنا الله سبحانه وتعالى، شير أوديتور وأوديتريس دو راديو ميلاد الأنبياء، بيانفوني أفو بور سي 13 أسيز أوتور دو ليتود دي زيكري دو شيخ ربيع حفظه الله تعالى كونسيرنون les fondements et les particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et comme vous le savez, ceci est extrait de différents livres de Cheikh Hafidhahullah et compilé dans un volume édité par le Mirat Nabawi. Donc, fait partie des fondements et des particularités des gens de la Sunna, c'est que il se limite au niveau de la compréhension. Il se limite au niveau de la compréhension à la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhim. Et ils prennent leur chemin et leur voie. Ainsi, ils n'avancent pas une parole ou une opinion sans qu'ils aient un salaf avant. Donc leur situation, c'est le suivi. Ils n'ont pas d'ouvrir des portes. Ils n'y mettent pas une opinion, ni un avis, ni une parole concernant certaines situations avant, sans qu'ils aient un pieux prédécesseur qui les a précédés dans cette direction. Donc, ils ne sortent pas de la voie du pieux prédécesseur d'Allah alayhim, ils n'innovent pas. سئل العلامة المدخلي حفظه الله وجعل الجنة مثواه، هل يشترط لكل مسألة سلف؟ نرجو التفصيل. Ainsi la question a été posée à l'érudit Cheikh Rabi' que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le Firdaus al-A'la. Est-ce que c'est une condition que chaque sujet, chaque avis, on doit avoir un pieux prédécesseur qui nous a devancés. Nous voulons le détail à ce niveau-là. Ça veut dire, la question est très claire. Est-ce que il est obligatoire, quand on émet un avis, on prend une position, il faut qu'on ait un pieux prédécesseur ou pas? On veut le détail. فَأَجَابَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَفِظَهُ نَعَمْ هَذَا الْأَصْلُ فِي أُمُورِ الدِّينِ أنه لا بد من سلف في أمور العقيدة وأمور المنهج، لا بد من سلف، وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا مشهور. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فمسائل الدين فيها اتباع وليس فيها اختراع. إلى غيبون دي رحمه الله وحفظه وي à la base dans tout ce qui concerne la religion il est obligatoire d'avoir un pieux prédécesseur d'Allah Alim qui t'a devancé, que ce soit au niveau des croyances, au niveau de la voie, obligatoire qui est un des pieux prédécesseurs qui ait pris la position que tu veux prendre. Il dit, les paroles de l'imam Ahmed sont réputées là-dessus, qui dit, attention, ne parle pas sur un sujet, sur lequel tu n'as pas la parole d'un imam. sur lequel tu n'as pas un imam qui t'a devancé. Il dit, rahimahullah, donc le sujet de la religion, c'est le suivi, et non pas l'innovation et la création. وقال حفظه الله وواقع هذه الفرقة في الماضي وواقع هذه الفرقة في الماضي والحاضر يشهد بذلك فهم دعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح والتقيد به ومن وصاياهم ما قال الإمام أحمد عليه تسير هذه الطائفة إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve la situation de ces tendons, de ce groupe, qui est le groupe salafi, qui sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, que ce soit dans le présent ou dans le passé, attestent de cela. Ce sont des prêcheurs qui appellent vers le livre d'Allah et vers la sunna de son message alayhi sallam, en suivant la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et en se limitant à la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Il fait partie de leur conseil ce qu'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, et c'est sur ce conseil qu'avance cette fraction qui est la fraction du salafi. L'imam Ahmad a dit attention, n'imez pas une parole sur un sujet sur lequel il n'y a pas un imam qui t'a devancé, sur lequel t'as pas un imam qui a parlé sur le sujet comme tu en parles. Donc il est obligatoire d'avoir un pieux prédécesseur sur chaque position, sur chaque parole. Et cela nous montre le danger d'être en divergence avec ce fondement. Car Salaf, rahimahumullah, décrétait l'innovation de quelqu'un qui met une parole ou une position sur laquelle il n'a pas un imam qui le devance, sur laquelle il n'a pas eu un modèle parmi les hommes de science, ou quelqu'un qui l'a devancé dans cette parole, dans cette voie. Et pour nous le montrer, Cheikh Rabi' il dit, يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في بيان هذا في سياق كلامي على تبديع الإمام أحمد لللفظية. ما هي وجهة نظر أحمد في تبديعهم؟ كيف بدعهم أو حكم عليهم بأنهم جهمية أو شر من الجهمية؟ Et pour nous l'éclairer, Cheikh Rabi' il dit, dans le contexte où il parle, comment l'imam Ahmed a rendu innovateur les lafzites. Ceux qui disent que le son et l'expression que je sors, qui sort de ma bouche avec ma prononciation du Coran, il est créé. Et Cheikh Rabi, il pose la question, c'est quoi le point de vue de l'imam Ahmed dans le fait de les mettre, de décréter leur innovation? Comment il les a rendus innovateurs? Comment il a décrété que ce sont des jahmites ou que ce sont pires que les jahmites? قال لأنهم ليس لهم سلف في هذا اللفظ والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا تترك سبيل المؤمنين وتخترع سبلا أخرى وطرقا للفتن والمشاكل؟ بدع الإمام أحمد هؤلاء وضل لهم وحكم عليهم بهذه الأحكام الحاسمة الشديدة لأنهم ليس لهم سلف. إلدي رحمه الله الإمام أحمد les a rendus innovateurs et pire que les jahmites parce qu'ils n'ont aucun pieux prédécesseur qui les a devancés dans cette position et dans cette parole. Et il cite le verset dont la traduction approximative du sens nous dit ceci, celui qui prend une autre voie que la voie du messager alayhi salatu wasalam après avoir reçu les éclaircissements, il suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera le feu de l'enfer. Il dit rahimahullah, pourquoi tu délaisses la voie des croyants et que tu vas innover une autre voie et d'autres voies? Pourquoi tu vas chercher et créer des voies pour les séditions et pour les problèmes? Il dit, l'imam Ahmed a rendu innovateur cela, et il a décrété leur égarement, et il les a jugés ainsi, sévèrement, parce qu'ils n'avaient pas de pieux prédécesseurs dans leur position, et dans la position qu'ils ont pris. يقول ومثل هؤلاء في هذا العصر أهل جنس العمل الذين أدخلوه في الإيمان ليهلكوا أهل السنة ويضللوهم نسأل هؤلاء الذين يرجفون على أهل السنة بجنس العمل ونقول لهم من سلفكم في هذا من سبقكم إلى هذه الفتنة وأرجف بها من أدخلها وجعلها ركنا في تعريف الإيمان يا كذابين من سلفكم في هذا التضليل وفي هذه الفتن Et il dit, Havidallahu ta'ala, et l'exemple de cela, à notre époque, ce sont ceux qui ont, il veut parler des haddadi, qui ont créé ce terme, jins al-amal. Jins al-amal veut de notre part de s'y arrêter. Jins al-amal, ce terme-là, jins al-amal, rentre dans ce terme tout ce qui est considéré comme acte. Tout ce qui est, tout ce qu'on peut appeler acte rentre dans jins al-amal. Et ce terme, comme on dit les hommes de science, c'est un terme qui est large, qui est vaste, et qui a beaucoup de significations. On peut y avoir le bien dedans comme le mal. يقول الشيخ ربيع عن جنس العمل ومن أصول أهل السنة وجوب سد الذرائع ووجوب درء المفاسد وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح فإطلاق جنس العمل فيه مفاسد لما فيه من الإجمال موقع في اللبس ولما يثيره من الفرقة فيجب اجتنابه قال ابن القيم رحمه الله زاجرا عن إطلاق الألفاظ المجملة فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان وقال حفظه الله الشيخ ربيع والأولى التزام ما قرره وآمن به السلف من أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية Et donc nous prenons quelque chose à part pour voir, pour discerner ce terme jins al-amal. Jins al-amal, dit Cheikh Rabbi Hafidhahullah, concernant jins al-amal, il dit fait partie des fondements des gens de la sunna. Fait partie de leurs fondements, c'est que il est obligatoire de fermer les portes qui vont emmener vers le mal. Et qu'il est obligatoire de repousser le mal. Et que repousser le mal est prioritaire par rapport au fait d'amener un bien. Et il dit, le fait de lancer comme ça, jins al-amal, il y a un grand mal dedans. Parce que c'est un terme général, c'est un terme global qui ramène des confusions. Et qui crée la division. Donc il est obligatoire de l'éviter. Et il cite les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui réprimandent ceux qui utilisent des termes là, qui lâchent des termes larges comme ça. Il dit, tu es obligé, dans une poésie, il dit, tu es obligé de détailler et de donner des éclaircissements. Car les citations générales comme ça sont détails, c'est ce qui a fait le mal entre les gens, et ce qui a fait patauger certains, en tout temps. Et Cheikh Rabbi, il dit, donc, il est prioritaire, et il est du devoir, de, tout simplement, le devoir, c'est de se cramponner à ce qu'ont confirmé, et les choses qu'ont confirmé Salaf, et en lesquelles ils ont cru. Et Salaf ont confirmé comme quoi, la foi, c'est une parole, ce sont des actes, paroles avec le cœur et avec la langue, et paroles du cœur, et actes du cœur et actes des membres. Il augmente avec l'obéissance et il diminue avec la désobéissance. Ça, c'est concernant jins al-amal. Et donc, Cheikh Rabbi, il dit, ceux-là, à notre époque, qui parlent du jins al-amal, ils ont fait rentrer ce terme jins al-amal, l'ont rentré dans l'iman. Pour faire périr les gens de la sunna et pour les faire égarer. Et nous demandons à ceux-là qui créent comme ça des termes, hein, pour perturber les gens de la sunna? Qui est votre pieux prédécesseur dans l'utilisation de ce terme jins l'amal? Qui vous a devancé dans cette fitna? Qui vous a devancé dans cette sédition? Qui a fait émisser, rentrer, hein, jins l'amal comme pilier dans la définition de la foi? Ô vous les menteurs, qui est votre pieux prédécesseur dans cet égarement et dans cette sédition? وقال حفظه الله الشاهد أن الإمام أحمد بدع الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق بأي شيء لأنهم لا سلف لهم. Il dit, حفظه الله, le témoignage ici et l'argumentation ici, c'est que l'imam Ahmed a rendu innovateur ceux qui disent ma prononciation du Coran est créée. Comment il les a rendus innovateurs? Parce qu'ils n'avaient pas de pieux prédécesseurs qui les a devancés dans cette opinion et dans cette parole. وقد كان الشيخ ربيع حفظه الله ملتزما غاية الالتزام بهذا الأصل السلفي العظيم سائرا عليه مطبقا له عاملا به يدل على ذلك تبديعه للحدادية الفجرة بسبب الأقوال بل الأصول التي أحدثوها وليس لهم فيها سلف. Et Cheikh Rabi Hafidahullah est fortement cramponné à ce fondement salafi, à ce noble fondement. Il le met en application. Hein? Et cela le prouve le fait qu'il a rendu innovateur les haddadi à cause de leurs paroles, à cause des fondements qu'ils ont innovés, alors qu'ils avaient aucun pieux prédécesseur qui les a, hein, qui les a devancés dans les paroles qu'ils ont prises et dans les fondements qu'ils ont, hein, instaurés. يقول حفظه الله أنا أدخل القول بجنس العمل وألحق أصحابه من هذا الصنف ممن يريد الفتن والشغب على أهل السنة. بهؤلاء الذين بدعهم الإمام أحمد بمسألة اللفظ لأنهم ليس لهم سلف فهم مبتدعة ضلال يريدون إهلاك المسلمين وضرب الدعوة السلفية وأهلها والحكم عليهم بالإرجاء فهم مبتدعة ضلال. Il dit, حفظه الله الشيخ ربيع, moi je rentre tous ceux qui parlent de jins l'amal, hein, je les compte comme cette catégorie. Je les compte comme ceux qui veulent créer la sédition au milieu des gens de la sunna, et donc je les fais rejoindre à ceux qu'a rendu innovateur l'imam Ahmed avec l'expression « ma prononciation avec le Coran est créé ». Car ils n'ont aucun pieux prédécesseur. Ceux qui ont inventé ce terme, jins l'amal, ce sont des innovateurs, des égarés, qui veulent créer la sédition au milieu des musulmans et faire périr les musulmans et donner un coup à la da'wa salafi aux gens de la salafia pour décréter que les gens, que les salafis ce sont des murji'a et qu'ils baignent dans l'irja. Et ceux-là, ces dadi qui parlent du jins l'amal, ce sont des innovateurs égarés. Et fait partie de la mise en application de Cheikh Rabi' de ce fondement salafi, ces paroles qu'il a adressées à Suhdadi Falih al-Harbi, qui a fait rentrer dans la définition de la foi des piliers qu'aucun salaf n'a cité parmi les piliers de la foi. يقول حفظه الله أرجو أن تعرف لي بعد هذا جنس العمل تعريفا جامعا مانعا ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلا موثقا فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفا يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين للمهاترات فأبرز هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة. Il dit, rahimahullah, en s'adressant à Falah al-Harbi, je te demande de me donner la définition de jins l'amal, une définition complète, hein, et il ne sera accepté de toi que la définition que tu transmets de quelqu'un avant toi, c'est-à-dire d'un pieux prédécesseur. Si tu peux nous transmettre une définition d'un pieux prédécesseur avec laquelle on va anéantir ses suppositions et une définition qui va permettre au salafi d'être dans la clarté et de ne pas être dans les futilités, alors montre-nous cette définition salafi, car nous avons un modèle dans nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et je me rappelle que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, on lui a demandé de leur expliquer ce que c'est que jins al-amal. Et il a dit, je ne sais pas, demandez à celui qui parle du jins al-amal de vous expliquer ce que c'est. Hein? Fait partie aussi des fondements des salafis, des sunnis qui fait leur particularité, c'est que ils connaissent les hommes à partir de la vérité que portent ces hommes. Et ils ne connaissent pas la vérité à travers les hommes. C'est le contraire. Ils connaissent la vérité, c'est la vérité qui est leur baromètre pour peser les gens et pour les connaître. Ils n'ont pas le contraire. Cheikh Rabi'a a dit, dans le contexte de sa réplique à Abu al-Hassan al-Ma'ribi, il cite les paroles d'Abu al-Hassan. Qala Abu al-Hassan, kam wa nahnu nuraddidu l'attiba'a li qawli ahadin illa bid dalil wal burhan, kam raddadna wa nuraddid, a'rif al-haqq ta'rif ahlahu, wal haqq bid dalil la bil aqawil kalimatun jamilat, lakin ayna waqi'una min hadhihi al-kalimat. Et maintenant, la parole citée maintenant, c'est la parole d'Abu al-Hassan qui dit, depuis combien de temps et combien de fois nous avons cessé de répéter que personne n'est suivi sans les preuves. Donc on doit suivre quelqu'un, on doit les suivre avec les preuves qu'il a. Et combien nous avons répété ceci? Connais la vérité, tu vas connaître les gens, tu vas savoir qui sont les gens de la vérité. Connais la vérité avec ses preuves, hein? Et non pas avec les paroles. À des belles paroles, etc. Il dit, Abu al-Hassan toujours, où est notre situation de ces paroles? Cheikh Rabi' قال, معلقا على كلام أبي الحسن, هذا إن السلفيين الصادقين على هذه الأصول وغيرها من الأصول السلفية والنصوص الشرعية, ولو قصر فيها من قصر أو خالفها من خالف, ولمن تمسكهم بها وتباتهم عليها يردون الباطل مهما كان مصدره ويعرفون الهدى بدليله فيتمسكون به ولو خالفهم أهل الأرض جميعا. Cheikh Rabi, il dit qu'en montant les paroles d'Abu al-Hassan, il dit les salafis véridiques sont sur ces fondements et ils sont toujours à mettre en application ces fondements et d'autres fondements salafis et à mettre en application les textes de la législation. Même si certains parmi eux ont été négligents ou ont divergé, hein, sur un point ou autre. Et vu que les salafis se cramponnent à ces fondements, ils sont fermes sur ces fondements, ils répliquent au faux. Peu importe d'où il vient ce faux, ils lui répliquent. Et ils connaissent la guidance avec ses preuves. Il se cramponne à ses preuves. Même si tous les gens de la terre sont en divergence avec eux. Yaqul, hafidhahullah, wa min huna, qala ahlu sunna inna al-haqqa la yata'addad, fala budda an yakuna al-haqqa ma'a ahadi al-mukhtalifin fi kulli qadaya al-khilaf. Et il dit, Cheikh Rabi, hafidhahullah, partant de là, les gens de la sunna disent que la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. il doit être avec quelqu'un parmi ceux qui sont en divergence. Il doit être avec quelqu'un parmi ceux qui sont en divergence sur des sujets. Et il est unique la vérité. يقول من أصول أهل السنة اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. Il dit fait partie des gens, du fondement des gens de la Sunna. Connais la vérité, tu connaîtras les hommes. Et il ne va pas chercher la vérité à travers les hommes. Là. ويقول من أصول أهل السنة أن الرجال يحتج لهم ولا يحتج بهم. Il dit, fait partie des fondements des gens de la Sunna, c'est qu'on cherche les preuves pour les hommes. On leur cherche des preuves, mais on ne les prend pas comme preuves. Ce n'est pas les hommes qu'on prend comme preuves, c'est les preuves. Les hommes ont besoin qu'on leur cherche des preuves. وَسُئِلَ حَفِظَهُ اللَّهُ مَا رَأِيكُمْ فِي مَنْ يَقُولُ انظُرْ إِلَى مَا قَالْ وَلَا تَنظُرْ إِلَى مَنْ قَالْ. فأجاب هذا قد يكون له وجه هذا يشبه قول القائل اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال فكأنه يريد هذا المعنى أنك إذا عرفت الحق عرفت أهله يجتهد لمعرفة الحق ليميز بين أهل الحق وأهل الباطل أما إذا كنت تقول اعرف الحق بالرجال فإن هذا هو طريق الضلال فما قاله فلان هو الحق وما لم يقله وخالفه فهو باطل فهذا هو الضلال. Et une question a été posée à Cheikh Rabbi Hafdhahullah Ta'ala. La question dit ceci. C'est quoi votre opinion concernant celui qui dit regarde à la parole qu'a prononcée la personne, il ne regarde pas à celui qui l'a prononcé. Regarde la parole qu'il a dit, il ne regarde pas celui qui l'a prononcé. Il a répondu, Hafidhahullah, ça peut avoir un sens. Il dit, cette parole ressemble à la parole de celui qui dit, connaît les hommes à travers la vérité. Il ne connaît pas la vérité à travers les hommes. Il dit, peut-être qu'il veut ce sens-là. Car si tu connais la vérité, tu connaîtras les gens de la vérité. Tu fais des efforts à connaître la vérité, tu vas faire la part des choses et tu vas discerner entre les gens du faux et les gens de la vérité. Mais si tu dis « connais la vérité à partir des hommes », ça c'est le chemin de l'égarement. Ce qu'a dit telle personne, c'est la vérité. Ce qu'il n'a pas dit, c'est le faux. Ça, c'est l'égarement. وقال حفظه الله هناك كلام يقوله العلماء يمكن أن نسميه قاعدة وهو الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. الرجال يعرفون بالحق يعني ما نقول أنهم على حق إلا إذا وجدنا الحق يؤيدهم ونصوص القرآن والسنة تؤيدهم. Il dit, Hafidhahullah, il y a une parole que répètent les hommes de science, qu'on peut lui donner le terme d'une règle. Les hommes, on connaît les hommes avec la vérité. Et on ne connaît pas la vérité à partir des hommes. Et il dit, Rahimahullah, les hommes, on les connaît à partir de la vérité. Cela veut dire qu'ils sont sur la vérité, si nous trouvons que la vérité est avec eux, que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, il est prouvé par et il est conforme au livre et à la sunna. يقول ولا يعرف الحق بالرجال يعني تجعل من الرجل هو قناتك الوحيدة وتجعله ميزانا ومقياسا للحق فما يقوله هو الحق وما لا يقوله هو باطل وما يرفضه هو الباطل وقد يكون حقا وما يقبله هو الحق وقد يكون على خلاف الأمر باطلا إذا نحن لا نعرف الحق بالرجال إنما نعرف الرجال بالحق إلى ذي رحمه الله et ne connaît pas la vérité à partir des hommes. Va pas chercher la vérité à partir des hommes. Ne fais pas qu'un homme soit ton unique antenne et qu'il soit ton antenne et que tu le prends comme baromètre sur tout. comme baromètre pour cerner la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il n'a pas dit, c'est le faux. Ce qu'il refuse, c'est le faux. Et peut-être que ce qu'il a refusé, ça peut être la vérité. Hein? Et ce qu'il a accepté, ça peut être la vérité, ça peut être le contraire, que c'est le faux. Il dit donc, dans ces cas-là, nous, on connaît pas la vérité à partir des hommes, mais on connaît les hommes à partir de la vérité. C'est-à-dire, le baromètre pour connaître les hommes, c'est le fait de les juger et de les analyser avec la vérité, et de voir la vérité qu'ils disent et qu'ils portent. Il fait partie aussi des fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et qui font leur particularité par rapport aux gens de l'innovation, c'est qu'ils se cramponnent à la sunna et à la voie sur laquelle était le prophète alayhi salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Hein? Ils suivent les la trace des pieux prédisseurs d'Allah, ils les prennent comme modèles. Ils marchent sur leur voie et ils mordent sur leur voie avec leur molaire. Et dans la confirmation de ce fondement, et dans l'éclaircissement sur cette particularité salafie, le porteur de l'étendard de la réfutation et de l'éloge, avec vérité, Cheikh Rabi Hafidhahullah, il dit, فَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ حَرِصُوا عَلَى الْمَنْهَجِ السَّلَفِي فَإِنَّمَا نَأْمُرُهُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ. Il dit, Hafidhahullah, quand on dit aux gens, hein, cramponnez-vous à la voie salafie, et tenez à la voie salafie, on leur donne tout simplement de se cramponner au livre, à la sunna, et à la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. يقول, هذا هو المنهج السلفي, التمسك بكتاب الله, وبسنة رسوله رسول الله وبما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام المنهج السلفي يتميز بأنه الحق وأنه الهدى ويتميز أهله بأنهم يتمسكون بهذا الحق والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. Il dit, حفظه الله أساس la voie salafi, se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi sallam, et à la voie sur laquelle était le messager alayhi sallallahu alayhi sallam et ses nobles compagnons. La voie salafi, ah, sa particularité, c'est que la voie salafi, c'est la vérité. Et c'est la guidance. Et les gens de la voie salafi sont particuliers parce qu'ils se cramponnent à cette vérité. Il y a cette guidance, il y a cette voie sur laquelle était le messager alayhi sallallahu alayhi sallam et ses nobles compagnons. وقال حفظه الله في شرحه لعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني عند قول الصابوني رحمه الله ويقتدون أي أهل السنة والحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. إلى دي حفظه الله دون l'interprétation de la aqida des salaf, les gens du hadith de Sabouni رحمه الله concernant les paroles de Sabouni, quand il a dit, ils prennent comme modèle, c'est-à-dire les gens du hadith, les gens de la sunna et du hadith prennent comme modèle le prophète alayhi salatu salam, ses nobles compagnons qui sont comme des étoiles. N'importe laquelle que tu prends, tu es guidé avec. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait d'eux. Et ils prennent comme modèle, c'est-à-dire les gens du hadith et de la sunna, ils prennent comme modèle les pieux prédécesseur de Allah alayhim parmi les hommes de science et parmi les grands imams de cette communauté. Ils se cramponnent à la voie sur laquelle ils étaient cramponnés. Ils se cramponnent à la religion solide et à la vérité claire sur laquelle ils étaient cramponnés. قال الشيخ ربيع حفظه الله معلقا يذكر المصنف رحمه الله ما يذكره من ميزات وصفات أهل الحديث والسنة وقد ذكر شيئا منها فيما سلف فيقول ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم إلى آخره. الشيخ ربيع il dit comme montant ce passage de Sabouni رحمه الله, il dit l'auteur à citer ce qu'il a cité comme particularité et comme caractéristique des gens du hadith et de la sunna, il a cité certaines choses auparavant, c'est-à-dire dans son livre, et il dit, ils prennent comme modèle le prophète, alayhi salatu salam, ses compagnons qui sont comme des étoiles, jusqu'à la fin des paroles qu'il a dites. Yaqul, أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه يقول الشيخ ربيع أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمر واجب ولا شك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Il dit, Cheikh Rabi' lui dit, حفظه الله, et prendre comme modèle le prophète عليه الصلاة والسلام, ceci était quelque chose, sans aucun doute, quelque chose d'obligatoire. C'est pas du domaine du surrogatoire. Il cite le verset qui dit ceci, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, vous avez, ô le messager d'Allah, le meilleur modèle pour ceux qui espèrent en Allah et qui espèrent en l'au-delà et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui espèrent en le jour dernier et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et il a dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens nous dit ceci, qu'ils fassent attention ceux qui divergent de l'un de ces ordres, qu'ils ne leur arrive pas la fitna, la sédition, ou qu'ils ne subissent pas le châtiment. Et dans l'autre verset qu'il a cité, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, ce que vous a donné le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le, ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous, et préservez les droits d'Allah, car le châtiment d'Allah Azza wa Jalla est douloureux. يقول حفظه الله وكذلك التأسي بأصحابه رضوان الله عليهم وسلوك طريقهم ومنهجهم لأن الله عز وجل أثنى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ورضي عن من يتابعهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فما اتبعوهم إلا لأنهم أسوة للاتباع وقدوة وحريون بذلك رضوان الله عليهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. Il dit, en même temps, le fait de prendre comme modèle les nobles compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et de prendre leur voie et leur chemin, Allah subhanahu wa ta'ala les a élogés. Et il nous a annoncé qu'il les a agréés, qu'ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, il a agréé ceux qui les ont suivis. Et il dit dans le verset, dans la traduction approximative du verset que Cheikh a cité, il est promis parmi ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, et l'Ansar, leurs alliés, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Pourquoi ils les ont suivis? Ils les ont suivis parce que c'est un modèle et parce qu'ils sont dignes d'être suivis et c'est parce qu'ils méritent d'être suivis parce qu'ils ont l'agrément d'Allah. Et le prophète alayhi salatu salam a dit concernant Abu Bakr et Omar, prenez comme modèle ceux après moi, Abu Bakr et Omar. ويقول أيضا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. Il a dit عليه الصلاة والسلام aussi, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé, mordu dessus avec vos molaires, et attention aux nouveautés dans les situations, car toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement. ولما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق قال افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وتنتان 72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والمعنى واحد، فهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واللفظ الثاني: ما أنا عليه وأصحابي، يعني اتبعوا الرسول عليه السلام وتمسكوا بالكتاب والسنة وتمسكوا بالحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. Il dit, Havidallah, et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé des groupes, il a dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes, un seul au paradis, et 70 au feu de l'enfer, et que les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, un seul, 71 groupes sont en enfer et un seul au paradis. Il dit, par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Un seul groupe pour le paradis, 72 groupes pour l'enfer. On lui a dit, lesquels ya Rasulallah? Il a dit, le jama'a, le groupe. Dans une autre version, ils ont dit, c'est laquelle ya Rasulallah? Il a dit, ceux qui seront sur la voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Et le sens, il est unique. C'est le jama'a, c'est le groupe, parce qu'ils se sont réunis sur la vérité et sur ce qui a été transmis par Mohammed alayhi salam. La deuxième expression, la voie sur laquelle je suis et mes moi et mes compagnons, cela veut dire qu'ils ont suivi le message alayhi salam, qu'ils se sont cramponnés au livre, à la sunna, et qu'ils se sont cramponnés à la vérité sur laquelle était le message alayhi salatu wassalam et ses compagnons. يقول: أما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو قوله أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو ضعيف جدا. وفي الآيات التي ذكرناها والأحاديث ما يشفي ويكفي ويغني في فضل الصحابة ومكانتهم. Il dit, حفظه الله, كنت حديث cité par l'auteur, c'est-à-dire par Sabun rahmatullah alayh, qui a dit que mes compagnons, qu'il a cité le hadith, comme quoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, mes compagnons sont comme les étoiles, celui que vous prenez comme guide, il vous guidera. Celui que vous prenez comme modèle, khlas, vous allez être guidé. Ce hadith, il est fortement faible, a dit Cheikh. Il a dit, mais nous avons les versets que nous avons cités, et les hadiths sont suffisants pour nous montrer les mérites et les grandes places, et la grande place des nobles compagnons, radouanullah alayhim. Yaqul, قال المصنف الصابوني ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. Et l'auteur Sabouni rahimahullah, il a dit, ils prennent comme modèle les pieux prédisseurs d'Allah alim parmi les grands imams de la religion, parmi les grands hommes de science. Ils se cramponnent à la voie sur laquelle ils étaient cramponnés de la religion solide et de la vérité claire. قال الشيخ ربيع معلقا: أي يتبعون الصالحين من أئمة الدين مثل التابعين بعض الصحابة كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير ومن كان في طبقتهم وكذا الزهري وغيرهم من كبار التابعين ومن صغارهم. الشيخ ربيع الذي commentant ce passage, ils suivent les vertueux parmi les grands imams de cette religion, les grands hommes de science de cette religion, comme les successeurs du noble compagnon, comme Saïd ibn al-Musayyib, comme Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, comme Urwa ibn Zubayr, et ceux qui sont de leur génération, et aussi Zuhri, et d'autres parmi les grands tabi'i, les grands successeurs du noble compagnon, et parmi les plus jeunes parmi eux. يقول: ومن أتباع التابعين مثل مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم، وبعدهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين الذين اشتهروا بالعلم والثبات على الإسلام والتمسك بدين الله تبارك وتعالى والتحذير من أهل البدع والضلالة والضلال رحمة الله عليهم. Ils suivent aussi les successeurs, des successeurs des nobles compagnons, comme l'imam Malik, comme l'Auza'i, comme Thawri, comme Layth ibn Sa'd, comme Ibn Uyayna, Ahmad ibn Zayd, Ahmad ibn Salama et leurs similaires. Et ceux qui sont la génération après eux, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abd al-Rahman ibn Mahdi, l'imam Ahmad, et d'autres parmi les grands imams de la religion qui ont été réputés de par leur science, par leur fermeté sur l'islam et de par le fait qu'ils étaient cramponnés à la religion véridique d'Allah et qui avertissaient contre les innovations et les gens de l'innovation, qui avertissaient contre l'égarement et les gens de l'égarement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. يقول فمن جاء بعدهم من أهل الحق ومن أهل السنة ومن يقال فيهم إن شاء الله الطائفة المنصورة ساروا على إثرهم في التمسك بالكتاب والسنة واقتدوا برسول الله واقتدوا بالصحابة واقتدوا بأئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين إلى القرون الثلاثة المفضلة رضوان الله عليهم أجمعين. Il dit ceux qui sont venus après eux parmi les gens de la vérité, parmi les gens de la sunna, ceux qu'on désigne, inshallah, par la fraction victorieuse, ceux-là ont pris la trace des premiers, c'est-à-dire des compagnons de leurs successeurs, des successeurs des compagnons, et ainsi de suite. Ils ont pris leur chemin dans le fait de se cramponner au livre, à la sunna, et dans le fait de prendre comme modèle le messager al-Islam, et de prendre comme modèle les nobles compagnons, et de prendre comme modèle les grands imams parmi les successeurs des nobles compagnons et les successeurs des successeurs, c'est-à-dire toutes les générations, les trois générations, les trois meilleures générations qui ont été élogées par Allah et par son messager alayhi salatu wassalam. وقال حفظه الله فمن هم أهل الحديث إذن. Et il pose la question, حفظه الله, il dit qui sont les gens du hadith. Donc, يقول هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجد وتقديمهما على كل قول وهدي سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع. Il dit, les gens du hadith, ce sont ceux qui ont pris la voie des nobles compagnons de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Ils les ont pris comme modèle dans le fait de se cramponner au livre et à la sunna, et du fait de mordre sur le livre et la sunna avec leurs molaires, et de mettre le livre et la sunna au devant de la parole de qui que ce soit. Que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau du commerce, au niveau des comportements, au niveau de la politique, au niveau du social, à tous les niveaux. يقول حفظه الله هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ميزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. Il a dit, c'est la fraction sauvée, la fraction victorieuse, disait la même chose. Il a dit, cette fraction sauvée qui est ferme sur la voie sur laquelle était le messager, alayhi salam, ses nobles compagnons. Cela, que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, les a privilégiés, et les a limités quand il a, il les a cités, il les a privilégiés quand il a parlé que cette communauté musulmane allait se diviser en 73 groupes, tous au feu de l'enfer sauf une, et il leur a donné cette particularité quand il lui a posé la question, c'est qui ces groupes? Il a dit ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Voilà leur particularité. Ça, c'est la particularité des gens du hadith, du groupe sauvé, du groupe victorieux. C'est la même chose. وقال حفظه الله من الغلط بمكان أن يظهر إنسان الفرق كلها على مستوى واحد. وأخبر رسول وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك فرقة متميزة عنها كلها بأنها على الحق وأنها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعترف لها الأئمة الإسلام على مدار التاريخ بهذه الميزات العظيمة وشهد لها ويشهد لها الواقع التاريخي. إلى دي Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allons servir dans son obéissance. C'est une erreur. L'erreur, elle est dans le fait de faire apparaître que quelqu'un fait apparaître tous ces groupes, de ces 73 groupes, qu'il les fait apparaître comme quoi et qu'il les mette à un même niveau. Qui mettent tous ces groupes dont nous a parlé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à même niveau. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'il y a un groupe qui est particulier. Il y a un groupe qui a une certaine particularité. Sa particularité, c'est qu'il est sur la vérité et qu'il est sur la voie sur laquelle était le messager alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Et les imams de l'islam, les grands tombes de l'islam, les grands tombes de science de l'islam ont reconnu ceci. On reconnaît cette particularité à cette fraction. Hein? Ils lui ont reconnu à travers l'histoire musulmane ces grandes particularités à cette fraction. Et même le vécu le prouve aussi. Le vécu de cette fraction prouve ces particularités. Et donc, vu que la voie des salafis est accompli sur la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu salam, ses nobles compagnons. Cela veut dire que c'est la voie sur laquelle ils étaient, cela, c'est la religion de vérité qu'il est obligatoire de suivre. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons étaient sur la vérité. Donc celui qui se cramponne à la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salam et ses nobles compagnons, c'est lui qui est sur la vérité et qui est sur la voie droite et qui est sur la religion de vérité. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi' nous dit « Ya ikhwata, kitabullahi ta'ala bayna aydina, wa sunnatu rasulihi bayna aydina, wa bayanu sahabati wa ilmuhum wa waqi'hum wa ta'rikhum » وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بأنه دين الله الحق وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. Et donc dans ce sens-là, Cheikh Rabi' il nous dit, oh frère, le livre d'Allah est entre nos mains, la sunna de son message عليه الصلاة والسلام est entre nos mains. Les éclaircissements et la science, et la réalité et le vécu des nobles compagnons, et leurs histoires et leurs croyances, attestent tout ça. Hein? Tout cela atteste que la voie salafie, c'est la religion véridique d'Allah, Azza wa Jal. Et que c'est le meilleur des baromètres pour rester ferme sur la vérité et pour se cramponner à la vérité. Le baromètre est le meilleur moyen pour être ferme sur la vérité, c'est d'être sur la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. وقال حفظه الله فلنعد على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم فإنه هو الحق وهو منهج الطائفة المنصورة هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il dit qu'on morde, hein, fortement sur cette voie et qu'on s'y cramponne fortement sur cette voie salafie que nous avons citée. Car c'est la vérité, car c'est la voie du groupe sauvé, car c'est la voie des gens du hadith. Il dit même les innovateurs et les gens de l'innovation ont attesté, hein, comme quoi ce sont eux, Ce sont eux, Ahlul Hadith, qui sont les gens de la vérité. Donc, il en résulte que quoi ? Que les salafis et que les gens de la sunna, comme ils sont cramponnés à la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu wasalam, ses nobles compagnons, et qu'ils ont pris la voie des pieux prédisseurs d'Allah alayhi, tout le bien s'est réuni en eux. Le bien qui est éparpillé chez les autres, il est réuni dans les salafis. Et ils ont réuni tout le bien qui est dans les autres groupes. Et donc ainsi, ils étaient les meilleurs des gens. Et leur voix, c'est la meilleure des voix et la voix la plus authentique. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, il nous dit, قال حفظه الله في معرض ردي على الحزبي عبد الرحمن عبد الخالق إن السلفيين ليسوا بالمعصومين ولكنهم هم أهل الحق وأهل السنة وهم خير الناس عقيدة ومنهجا ودينا وأخلاقا وأدبا وعلما فإن كان عندك غير هذا فهاتي عقائد من تدافع عنهم ومناهجهم ودينهم وإخلاصهم لنرى أي الفريقين خير بميزان الله لا بالعطاء بالعواطف ولا بالهوى. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la quand il a répliqué au Hizbi Abd al-Rahman Abd al-Khalq. Abd al-Rahman Abd al-Khalq, le fondateur de la salafia politique à Alexandrie et au Koweït. En lui répliquant, il a dit: les salafis ne sont pas infaillibles, mais ce sont les gens de la vérité. Et ce sont eux les gens de la sunna, et ce sont les meilleurs des gens, que ce soit au niveau de leur croyance, au niveau de leur voix, au niveau de leur religion, au niveau de leur comportement, au niveau de leur science. Il lui a dit, si tu as autre chose que cela, ramène les croyances de ceux que tu défends, ramène les croyances de ceux que tu défends, ramène leur voix, leur religion, leur sincérité, pour qu'on puisse voir qui est le meilleur des groupes, pour qu'on puisse voir à la lumière du livre et de la sunna, et non pas par les sentiments et par les passions, qui est véridique. Wa qala hafidhahu Allah, والذي نعتقد أنه لا يوجد خير في غير السلفيين إلا وهو في السلفيين أكثر وأفضل فلا يخرج شيء من الخير عنهم. Et il a dit, Hafidhahullah, et ce que nous croyons, c'est que tout le bien qui peut être chez autre que les salafis, il existe mieux que cela chez les salafis. Et plus encore, le bien ne sort pas des salafis. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أن يكذب به. Il cite des paroles du Cheikh l'Islam, le Taimiyya rahmatullah alayhi, qui dit dans le fatwa, c'est le bonheur du bas monde et dans l'au-delà et dans le fait de suivre les messagers alayhi salatu wasalam. Ce qui est connu, c'est que les gens qui méritent, qui méritent ce bonheur, ce sont ceux qui connaissent mieux les preuves et les voies du messager alayhi salatu wasalam, et qui les suivent, ceux qui mettent en application, ceux qui connaissent et mettent en application les paroles, les actes, des messagers alayhi salatu wasalam, c'est à ceux-là qui ont le bonheur, en tout lieu, en tout temps. Et ce sont eux, le groupe sauvé de toutes les religions. Et ce sont eux, les gens de la sunna et du hadith de cette communauté. et ils sont associés à toute la communauté dans ce qu'ils ont parmi les choses du message. Mais ils ont la particularité, c'est leur particularité, c'est la science irritée du messager alayhi salatu wassalam, ce que les autres ignorent ou ce que les autres ne prennent pas comme vérité. Et vu, donc ici s'arrêtent les paroles du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, et vu que les gens de la sunna et les salafis se cramponnent à la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons, et prennent le chemin du pieux prédicateur d'Allah alayhi, agissant ainsi, ils sont la fraction sauvée, la fraction victorieuse, celle qui lève toujours l'étendard de la vérité, et il le lèvera jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire jusqu'à la fin des temps. Et pour nous éclairer sur cela, Cheikh Rabi' il dit, Hafidhahullah, « وَأَمَّا لِلسُنَّةِ فَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ » Et donc, pour nous éclairer là-dessus, Cheikh Rabi' il a dit, les gens de la sunna, ce sont eux la fraction victorieuse, ce sont eux qui sont sur la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons, radhiyallahu alayhim. وقال حفظه الله فلنعد على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم فإنه هو الحق وهو منهج الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحق وأنها لا تزال على هذا الحق وأنه منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وصدق الله هذا الخبر وافترقت الأمة بقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق وأنهم هم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية والتي احتدى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. Et il a dit Allah سبحانه وتعالى le préserve, nous devons nous cramponner fortement à cette voie salafie que nous vous avons citée. Et nous vous avons dit que c'est la vérité. Et cette vérité, c'est la voie de la fraction victorieuse que nous a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a annoncé que cette fraction victorieuse, elle est sur la vérité. Et qu'elle restera sur la vérité. Et cette voie, c'est la voie aussi du groupe sauvé. Et le groupe sauvé, c'est aussi... C'est la même chose que le groupe victorieux. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division de cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la véracité à ce qu'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et la communauté s'est divisée. Mais elle est restée, cette fraction est restée, qui sont les gens du hadith, est restée cramponnée à la vérité. Cette fraction qui sont les gens du hadith, la fraction sauvée, la fraction victorieuse, est restée cramponnée à la vérité. Leur atteste comme quoi ils sont les gens de la vérité, qu'ils sont sur la vérité, même les gens de l'innovation. L'atteste, bien sûr, les gens de la sunna, mais l'atteste avec eux aussi, les gens de l'innovation. Ils attestent que ce sont eux les gens de la vérité, que ce sont eux la fraction sauvée, et que ce sont eux la fraction victorieuse. Cette fraction victorieuse et sauvée, sur le chemin duquel est Ibn Taymiyyah, est Ibn Abd al-Wahhab, radouanullahi alayhim. Et je vous conte une histoire. Un prof à l'université de Médine parlait des sectes soufis. Et ce prof était étonné. Parce que chaque fois que un jeune vient demander sa sœur en mariage, surtout quand un jeune salafi vient, son père qui est soufi, il lui donnait. Et ce jeune prof a posé la question à son père, il lui a dit, ils sont pas sur la même voie que toi, pourquoi tu lui maries? Il dit, ceux-là, ils seront corrects avec elle. S'ils la gardent, ils vont être corrects avec elle. S'ils la divorcent, ils vont être corrects avec elle. Regarde, ça c'est quelqu'un qui baigne dans la soufia. Ah, donc, ça veut dire, et ça rend, ça donne la véracité, à ce qu'a cité Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. قال حفظه الله فأهل الحديث وأهل السنة والجماعة الذين تبتوا على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية وهم المشار إليهم في حديث حذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الشيخ ربيع عديك الله سبحانه وتعالى بخزاف يلون سافي دون سون وبيسونس لجون دو حديث لجون دو لسنة qui sont unanimes sur la sunna, ce sont ceux qui sont restés fermes sur la voie sur laquelle était le messager عليه الصلاة والسلام. Ce sont eux le groupe sauvé. Ce sont eux qui sont désignés dans le hadith de Hudayfa quand il a dit reste et crampons, reste avec le groupe des musulmans et leur gouverneur. Ah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur cette voie et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science, de nos hommes de science. Que Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos hommes de science, Cheikh Obeid, Cheikh Rabi', et qu'il allonge leur vie dans l'obéissance à Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de tous les hommes de science de cette communauté, qu'ils soient en Algérie, comme Cheikh Farkous, Cheikh Abdelmjid Jum'a, ou Cheikh Azhar Snikra, ou qu'ils soient en Arabie Saoudite, Cheikh Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Abbad, Cheikh Ubaid, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Abdallah Al-Bukhari, Cheikh Rabi', et j'en passe, il y en a beaucoup, Et une fois, pour rectifier une erreur, en citant les mashayikhs d'Algérie, en parlant de Cheikh Abdelmajid Jum'a, j'ai dit Ali Jum'a, c'était une erreur. Je voulais dire Cheikh Abdelmajid Jum'a, celui qui élève, qui a élevé l'étendard de la réfutation et de l'éloge actuellement, et qui est en train de purifier les rangs des salafis en Algérie. Que Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos hommes de science, que Allah subhanahu wa ta'ala allonge leur vie dans son obéissance, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons dignes de la voix de notre messager alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, et que nous soyons des gens qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.